Qu'elle est belle, ma princesse. Je suis fou d'amour, de ce visage de femme cachant la petite fille encore si présente, et de ce corps tout juste sorti de l'adolescence. Jamais elle ne me quittera, même si ça lui fait peur encore. Je sais qu'il m'aime et qu'il m'adore, mais c'est si fort. Je sais que jamais il ne me fera du mal. Mais pourtant, au fond de moi, j'entends comme... une alarme.